commencer entre guillemets par Laurent Bonelli, qui interview, on a interverti votre intervention et celle de Laurent Bonelli. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter Bruno Cousin et Tommaso Vitale. Donc Bruno Cousin est maître de conférence en sociologie à l'Université Lille 1. Il est chercheur associé au GSPM, ici à l'EHESS. Donc tu as soutenu ta thèse en 2008, donc, qui portait sur les rapports qu'entretiennent les classes supérieures avec la mixité sociale et avec les dynamiques d'auto-ségrégation. Et donc c'est un peu ta spécialité, notamment en Italie, mais pas que, c'est de manière plus générale dans la société européenne. Et peut-être tu pourras même nous dire comment tu as été amené à travailler sur l'islamophobie dans le contexte par rapport à ton objet. Et donc toi et donc Tommaso qui est donc, assistant professeur, on dit à Sciences Po, c'est comme un maître de conférence en fait. C'est donc en sociologie à Sciences Po et donc chercheur au Centre d'études européennes. Donc qui tes premiers travaux ont porté plus sur les conflits urbains et sur le lobbying associatif dans des contextes locaux. Donc là encore, tu pourras nous dire comment tu as été amené à travailler sur la question de l'islamophobie. Donc il nous a paru intéressant de vous inviter tous les deux, donc je vous en remercie. Parce que donc lorsqu'on s'est intéressé à la littérature existante sur la construction du problème musulman, on s'est rendu compte, et donc on en a fait part lors de la première séance, de la faiblesse empirique de beaucoup de travaux sur l'islamophobie, de manière générale, dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Et on a été très intéressés par votre travail dans la mesure où il me semble que c'est une des seules dans le monde européen à avoir fait un véritable travail sociologique empirique à partir du cas italien pour essayer de comprendre comment est-ce que l'islamophobie, le discours anti-musulman est devenu dominant, notamment à travers l'analyse des trajectoires des intellectuels médiatiques, avec l'analyse entre les relations entre les différents champs politiques, universitaires, etc. Donc il me semble que votre présence ici va nous permettre d'alimenter la discussion qu'on a déjà eue dans le cadre de ce séminaire. Donc le titre de votre intervention est donc le moment Falaci de l'espace public italien 2001-2006, origine, modalité et effet d'un magistère intellectuel islamophobe. Merci encore. Merci à vous. On vous remercie vraiment. Enfin, je parle en nom de tous les deux. On vous remercie vraiment de nous avoir invités. En réalité, on aurait même aimé venir bien avant, c'est-à-dire participer aux autres séances du séminaire, mais en fait, nos emplois du temps d'enseignants-chercheurs en fait, n'ont malheureusement pas permis. Enfin, vous savez que ce n'est pas toujours simple. Et, mais on profite énormément du site. Voilà ce que j'allais dire. Alors, le site a été bien utile pour ça, y compris d'ailleurs, dans certains cas, pour nous aider à repérer, à trouver d'autres éléments de bibliographie. Donc, en fait, on est en train de terminer cet article dont je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'interaction a pu avoir lieu même avec le site et c'était vraiment bien. Donc bon, avant de commencer, je peux peut-être juste répondre à votre question, à ta question. Ben, en fait, ce qui réunit en fait mes préoccupations en tant que sociologue urbain. Ce travail qui est plus de la sociologie intellectuelle en fait et de l'islamophobie, c'est qu'au-delà du fait que bien entendu les motivations, si vous voulez, de la ségrégation discriminante qu'on peut observer en ville, il y a une dimension de classe, mais qui est souvent fortement combinée, surtout en France, avec des dimensions qui sont dimension d'ethnicisation ou de rapport à des minorités qui sont perçues comme religieuses ou ethniques, ce qui renvoie à l'islamophobie. En gros, moi, mon objet, si je devais essayer de me donner un objet englobant, enfin, mon gros son intérêt, c'est en fait le refus de la mixité sociale, ethnique et religieuse, quoi. C'est cette idée de refus de la mixité. Et c'est vrai que donc, en travaillant plutôt en fait sur les classes supérieures, voire les élites. Donc, du coup, c'était travailler sur le cas de Falaci était une façon, et sur les intellectuels italiens était une façon de travailler sur ce refus de la mixité sociale, sur un discours la plus formalisé, vu qu'on parle de gens dont le métier en fait est d'écrire et ou de parler à la télé, c'est une question. Et voilà, et donc et de travailler sur ce refus de la mixité mixité religieuse et du rapport à l'islam. Et bon, je vais laisser rapidement peut-être Thomas aussi dire dans une seconde comment lui son propre parcours l'a amené à travailler sur ça. Mais je pense qu'une des choses qui a déclenché cet intérêt, ça a été un choc en fait. C'est-à-dire que quand le premier livre de Fallatch, en fait, son premier article d'abord et son premier livre est sorti deux mois après le 11 septembre 2001, donc on parle de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 10 ans, il a été acclamé partout, il a immédiatement complètement structuré le débat sur l'islam, alors que moi, alors évidemment là j'en étais à un moment où j'étais encore dans les prénotions, dans les réactions spontanées, hein, j'avais pas encore fait l'analyse sociologique de la question, mais alors que moi, comme un certain nombre d'autres, on a eu l'impression de lire le Mein Kampf, quoi. C'était ça en fait, si vous voulez, pour vous donner l'élément de départ. Bon, on va de toute façon revenir là-dessus et vous verrez en quel sens, comment remettre ça en perspective. Mais peut-être si Thomas, tu veux dire rapidement. Le parcours, c'est très similaire, même si j'avais un entrée plus attentif directement à la dimension conflictuelle. En fait, j'étais en train de terminer une recherche sur la production normative dedans la dynamique des conflits urbains. Et donc, je m'interrogeais sur ce que les conflits produisent en termes de reconnaissance des normes en commun. Donc, j'avais un intérêt à tout ce qui était normatif, sens de la justice, sens de la justesse, et ce genre de réflexion un peu pragmatique. Donc, quand j'ai vu les effets du premier article de cet intellectuel italien, en termes normatifs, de restructuration rapide du champ, du discours autour de l'islam, j'avais pensé que c'était vraiment très important de le prendre au sérieux, de l'étudier. Et donc, c'était pas un passage à partir de la sociologie urbaine vers des questions d'islamophobie, mais c'était vraiment un passage à partir de la question plutôt théorique de comment on change la construction normative d'une catégorie d'altérité. Ça, c'est la raison intellectuelle la plus forte. Il y avait une autre raison qui était, bien sûr, un petit peu comme pour Bruno, à un certain moment, on se retrouve à partir d'un champ de compétences et d'expertise à faire des connexions et avoir des similarités. Et on s'est trouvé plus ou moins obligé à prendre au sérieux une analyse du texte avant tout. Et après, ça s'est développé dans une sociologie. Mais le début, c'était vraiment une analyse du texte. Et après, cet silence énorme des intellectuels italiens qui ne se sont pas vraiment engagés dans une réponse partisane, on peut dire, par rapport aux thèses de ce magistère islamophobe. Et donc, à partir de la force de l'argument de Fallaci, à partir du silence, pas général, mais en tout cas très frappant, dans l'espace public italien, on a décidé d'essayer de regarder de plus près la sociologie des intellectuels pour avoir un point d'entrée pour comprendre la structuration de l'islamophobie italienne. Après, tout s'est développé par rapport à la comparaison avec d'autres formes de racisme, par rapport au Rhum, où il n'y a pas un rôle joué des intellectuels. Et tout ça fait partie de ce qu'on vient de dire. Parce que ce qu'on pense que Thomas, en fait, il ne le dit pas, parce que Thomas, en fait, est un des plus grands spécialistes des Roms en Italie. Hein, donc, toi, quand même, dans son temps, tu as écrit une bibliographie entière sur le racisme, la discrimination vis-à-vis des Roms. Donc, il avait aussi une idée de comparer entre les deux. Bon, ben alors, excusez-moi. Pour maintenant, quand même, vous présenter ce cas et un petit peu notre problématique et ce dont on parle, hein, ça aidera quand même. Alors, l'idée, si vous voulez, donc, quant à un petit peu la spécificité de l'objet, l'idée déjà, c'est qu'en fait, la décennie en fait, qui a suivi le 11 septembre 2011 a été marquée par la constitution donc, d'un corpus, qui est en fait un corpus international, de littérature populaire islamophobe au succès sans précédent en fait, pour ce genre d'ouvrage. Donc on peut citer le cas de Oriana Fallaci en Italie, Éric Zemmour en France, Ayaan Hirsi Ali aux Pays-Bas, Thilo Sarrazin en Allemagne, Bruce Bauer en Norvège, Mélanie Phillips au Royaume-Uni, Mark Stein au Canada, Glenn Beck aux États-Unis, etc. On pourrait discuter longtemps, disons, la pertinence, la cohérence de la liste, etc. Ce ne sont que quelques exemples. Mais l'idée, quand même, ce qui rassemble ces auteurs, au-delà du très grand succès, plusieurs de ceux que je viens de citer, par exemple, dans les pays anglo-saxons, se sont retrouvés pendant longtemps en première position des listes des meilleures ventes du New York Times, etc. Donc, ce qui réunit ces auteurs, c'est en fait que donc, leurs argumentaires peuvent en quelque sorte paraître à la raison scolastique plus grossier et redondant avec le sens commun, et donc davantage négligeable que ceux, par exemple, d'un Daniel Pipes ou d'un Robert Spencer, pour citer une littérature islamophobe un peu plus sophistiquée. Un peu plus sophistiquée, mais n'en ont pas moins, en fait, une audience beaucoup plus large auprès du grand public, et un impact conséquent sur les catégories et modalités de représentation de l'islam et d'imagination géoculturelle. Pourtant, en fait, alors même qu'ils ont souvent occupé la tête des classements nationaux de vente de livres et des positions, par exemple, qu'ils ont occupé des positions de prescripteurs moraux de premier plan, le rôle spécifique, en fait, de ces intellectuels médiatiques, pourrait-on dire, dans le développement des discours et des pratiques islamophobes, n'a presque jamais été étudié méthodiquement par les sciences sociales. En effet, en fait, les travaux sur le racisme anti-musulman, qui se sont multipliés au cours des dernières années, hésitent généralement entre une description statistique des valeurs et attitudes individuelles à l'égard de l'islam, notamment les travaux suisses, par exemple, de Stolz et Elbling, ou entre une analyse souvent engagée des représentations négatives dont l'islam fait l'objet dans l'espace public, là aussi on pourrait citer un certain nombre d'exemples, et, troisième tendance un petit peu, une critique de la dimension discriminante des politiques publiques. Ou, lorsque elles ne choisissent pas une de ces trois options, en fait, les ouvrages ou les articles ont tendance à juxtaposer ces approches, souvent dans un but d'exhaustivité, c'est souvent le cas notamment des ouvrages collectifs, mais sans véritablement les articuler empiriquement entre elles. Alors, il existe quand même plusieurs auteurs, comme par exemple Guesser, il y a aussi un livre dirigé par Qureshi Essel, il y a un article de Rosier Katash autour par exemple de l'affaire Guggenheim, les livres de Bayoumi et Chi, qui rendent certes compte de l'implication des intellectuels dans la propagation et la justification de l'islamophobie, mais ces derniers, les intellectuels, en fait, sont souvent appréhendés sur le mode de la dénonciation, érigés en adversaires à contredire et à délégitimer, plutôt qu'en objet d'étude dont comprendre les ressorts et le rôle propre. C'est-à-dire qu'on a plus une attitude engagée, hein, justifiée d'ailleurs souvent d'intellectuels, qu'une attitude analytique. De même, on a d'autres approches davantage diachroniques qui décrivent méticuleusement l'émergence de l'islamophobie en scandant ses étapes. C'est par exemple le cas d'ouvrages de Deltombe, des travaux de Boons, de Allen. Merci beaucoup. Mais en fait, généralement, ces approches plus diachroniques, plus historiques, ne s'intéressent qu'accessoirement aux relations et interactions entre les différents acteurs permettant d'en expliquer la succession et d'expliciter les liens et les rapports causaux entre, par exemple, un contexte national spécifique et l'essor d'un magistère islamophobe à un moment donné, ou entre, par exemple, les prises de position des intellectuels et les reconfigurations des représentations anti-musulmanes, ou entre la diffusion d'une idéologie et celle de comportements discriminants individuels ou institutionnels. C'est-à-dire qu'au lieu d'établir plutôt des liens et de les analyser entre ces différents, disons, ordres de manifestation de l'islamophobie, on a plutôt, généralement, on les analyse un peu séparément, de façon un peu descriptive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la sociologie des intellectuels, elle non plus ne s'est pas, en fait, intéressée à ces questions-là. Pour des raisons différentes, une des raisons principales étant que, en fait, la sociologie des intellectuels a souvent, telle que par exemple, elle est incarnée par les travaux de gens comme par exemple Randall Collins, Lamont, Neil Gross, etc., a souvent eu tendance, en fait, à considérer des intellectuels ayant, disons, une forte légitimité savante. C'est-à-dire qu'elle va souvent s'intéresser au parcours et au mode de légitimation de gens comme Derrida, Foucault, de grands philosophes américains ou français, etc. Mais en fait, elle va, et souvent donc, ayant une légitimité savante forte, et dont la légitimité est fortement inscrite dans un champ, voire une discipline spécifique. Dans le champ universitaire et généralement dans une discipline spécifique. Et il n'existe pas, en fait, véritablement... Alors, il en existe quelques-uns. Il y a quelques travaux, par exemple, mais qui, en fait, sont assez fragmentaires sur, par exemple, le cas de Bernard-Henri Lévy en France. Mais néanmoins, si vous comparez, par exemple, ce qui peut exister au niveau journalistique et ce qui peut exister en termes analytiques, par exemple, sur le cas de Bernard-Henri Lévy, vous avez, en fait, une multitude de travaux, il y a 6 ou 7 biographies qui ont été réalisées sur Bernard-Henri Lévy, mais les articles véritablement sociologiques, il y en a quelques-uns de Pinto par exemple, qui analysent ces modalités de légitimation, sont relativement peu nombreux. Il y a les travaux de Pinto, de Gocho par exemple. Et donc en fait, les intellectuels médiatiques sont souvent, pour des raisons, disons, assez compréhensibles, assez intuitives en fait, de conflits entre spécialistes et intellectuels dont la légitimité est contestée, sont souvent plutôt de l'ordre de la dénonciation, de l'ordre de la mise en évidence de mécanismes, voire de formes d'imposture, que dans véritablement une analyse un peu plus dépassionnée, pourrait-on dire, des ressorts de la construction de leur légitimité publique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la plupart des travaux, en fait, sur les intellectuels et l'espace public ont généralement tendance, en fait, à prendre des cas, en quelque sorte, extrêmes en termes de démocratie, de démocratisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, en gros, à la France ou aux pays anglo-saxons avec une liberté, disons, de presse et d'expression totale. Donc la France, à partir notamment de l'affaire Dreyfus, hein, qui est un peu le moment où on commence un peu souvent la sociologie des intellectuels, ou au contraire à des cas d'opposition des intellectuels à des régimes autoritaires, à des formes de censure, donc soit à des cas disons de soutien de ces régimes, ou alors à des prises de position en termes de dissidence. Et tout ça, en fait, a fait que la plupart, disons, des intellectuels médiatiques qui sont considérés, disons, qui ont véhiculé et qui se sont un petit peu fait les qui ont contribué à la reconfiguration de l'islamophobie et qui ont contribué à sa diffusion, ont en fait souvent été négligés par, enfin la plupart, ont été quasiment tout le temps négligés par les travaux sociologiques. Alors il y a quelques petites exceptions, notamment sur le cas de Ayaan Hirsi Ali. Il y a quand même quelques exceptions sur le cas de Ayaan Hirsi Ali. Mais encore une fois, même les travaux sur Ayaan Hirsi Ali sont souvent des travaux engagés. Voilà. Non pas que l'un soit complètement exclusif de l'autre, mais c'est souvent, disons, plutôt des travaux qui prennent le contre-pied plutôt qu'ils l'analysent. Voilà. Alors, ce qui est d'autant plus paradoxal que il y a en fait, dans la sociologie des intellectuels et la sociologie de l'espace public, en fait une longue tradition et un certain nombre de cas célèbres sur la façon dont justement les intellectuels ont participé à la formulation et la configuration de zeitgeist ou de corpus et de corpus idéologique, d'humeur idéologique pour le dire comme Bourdieu, prenant pour cible, développant l'intolérance envers certains groupes. Bon, on peut citer les cas célèbres, les travaux d'Adorno et Horkheimer. Il y a aussi évidemment l'ontologie politique de Martin Heidegger de Bourdieu, qui s'intéresse au lien entre effectivement l'œuvre d'Heidegger, mais surtout sa réception dans l'espace public allemand, notamment entre les deux guerres, et ensuite la façon dont justement ça a contribué à reconfigurer l'idéologie nazie et antisémite. Voilà, donc malgré le fait qu'il y ait un certain nombre de références et de grands exemples, voilà, il nous semblait que des travaux similaires auraient pu être faits sur le champ intellectuel et qu'ils n'avaient pas été faits. Et donc effectivement, on a essayé d'entreprendre ça. À partir du cas italien, d'une part parce que bon, on est familier, hein, il y a évidemment un biais de sélection qui est lié à ça, mais aussi parce qu'en fait, le cas italien nous semblait un cas particulièrement, fort, emblématique, et pour tout le dire, en fait, un pays dans lequel, au cours des années 2000, donc dans la décennie qui a suivi, en gros, les 5 ans et puis les 10 ans qui ont suivi le 11 septembre 2001, c'était l'islamophobie avait connu vraiment un essor quasiment incomparable en Europe. C'est d'ailleurs en quelque sorte documenté quand elles le peuvent par les enquêtes valeurs européennes, et que on avait donc en fait une diffusion et une normalisation en quelque sorte de discours et de comportements islamophobes dans l'ensemble de la société. Alors de quoi parle-t-on? C'est-à-dire du fait que depuis en fait les années 2000, les Italiens sont devenus en fait de plus en plus intolérants vis-à-vis des étrangers et des minorités ethniques ou religieuses, et du fait que la xénophobie en fait la plus explicite est ressurgie comme une attitude légitime au cœur même de l'espace public national. Bon, on avait donc le président du Conseil des ministres de l'époque, donc Silvio Berlusconi, qui rappelait régulièrement que l'Occident doit avoir conscience de la supériorité de sa culture, qui affirmait, en fait, encore dans les années, il y a quelques années, que l'Italie n'était pas un pays multiethnique et ne le deviendrait pas, et déplorait qu'à Milan, on ait désormais l'impression d'être dans une ville africaine. Le président du Sénat, par exemple, pour sa part, appelait en août 2005 à combattre le métissage et lançait 6 mois plus tard, en grande pompe, un manifeste pour l'Occident force de civilisation censé restaurer la fierté de la chrétienté. C'était dit en ces termes. Tandis que de temps à autre, on avait la presse de droite ainsi que plusieurs ministres appartenant à la Ligue du Nord, donc des gens qui parlaient dans leur fonction de ministre, des gens comme Umberto Bossi ou Roberto Calderoli, qui pouvaient par exemple se référer publiquement aux immigrés africains en les traitant de nègres ou en les comparant à des singes. Hein. Donc discours du ministre disant ça. Donc au-delà de ces déclarations, alors pour ça, vis-à-vis des Noirs, ils s'étaient déjà fortement calmés après l'élection de Obama à la présidence des États-Unis. Et néanmoins, au-delà donc de cette diffusion générale d'un discours raciste, donc au-delà des déclarations, l'Italie était aussi régulièrement dénoncée, notamment par les instances européennes, pour ses politiques publiques racistes, refus d'appliquer le droit d'asile, atteinte répétée aux droits de l'homme dans les centres de rétention de migrants sans papier, criminalisation de ces derniers aboutissant à des triples peines, fichage systématique des populations roms et sinti, ainsi que pour la tolérance générale dont bénéficient, et bénéficient toujours d'ailleurs dans le pays, les multiples formes de violence et de discrimination dont sont quotidiennement victimes les étrangers pauvres, et pour les régimes illégaux d'exploitation qui en découlent, lesquels confinent parfois au travail forcé, notamment dans les secteurs économiques contrôlés par la criminalité organisée. C'est-à-dire, bon, ça vous aide quand même un petit peu à situer ce que peut être le degré de violence, d'intolérance vis-à-vis des étrangers en général en Italie. C'est-à-dire, effectivement, vous voyez, c'était un pays où quand même dans les années 2000, on avait la libération, un discours public qui était publiquement affiché, un discours raciste qui était publiquement affiché par les dirigeants politiques du pays, et on avait en même temps des situations de violence, souvent de l'État vis-à-vis des minorités religieuses et ethniques, et de violences privées, structurelles, liées, comme je disais, à des régimes d'exploitation. Pour le dire clairement, il y a des endroits dans le sud de l'Italie où les migrants d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire travaillent dans des champs de tomates qui sont tenus par la criminalité organisée, et en gros, ils sont quasiment en esclavage par la dette, et s'ils essayent de s'enfuir, on les abat. Donc régulièrement, on trouve des charniers, des choses comme ça. Donc ça permet quand même de rendre un petit peu le degré de violence qui peut exister un petit peu à tous les niveaux. Alors, en ce qui concerne donc ces discours, on avait par ailleurs, effectivement, on va voir ça, dans les 5-6 années qui ont suivi en fait le 11 septembre, une très très forte montée en fait d'un discours islamophobe, et avec le fait que suite à une période où une période qui était en gros la période des années 90, où il y avait une focalisation sur les immigrés clandestins, les immigrés sans papier, dits clandestins justement, de la zone de l'ex-Yougoslavie et de l'Albanie, donc les d'origine balkanique, comme ils étaient définis, où en fait l'étranger dangereux était perçu en fait comme l'étranger d'origine balkanique, avec tout un certain nombre de remobilisations, la représentation du bandit balkanique, etc. Et avant la période suivante, qui en gros était la période de la fin des années 2000, où en gros l'étranger posant problème, la figure emblématique en est devenue en fait les Roms et Sinti, on a eu véritablement une période de focalisation et d'incarnation de cette figure autour du musulman. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette situation, elle a ses discours et ses pratiques, donc, ont suscité, en fait, jusqu'à maintenant, chez les spécialistes de l'Italie, et chez ses commentateurs, des diagnostics, en fait, qui sont souvent contrastés et partiels, c'est-à-dire qu'ils hésitent, en fait, entre la dénonciation culturaliste de l'Italie comme n'étant jamais véritablement entrée dans une modernité soucieuse d'égalité et du respect des minorités, une approche plus macro-sociologique qui voit dans la xénophobie une réponse mécanique à l'augmentation rapide du nombre d'étrangers vivant dans le pays, qui sont passés d'un million à plus de quatre entre 1990 et 2010, et troisièmement, une description diachronique qui en fait, au contraire, avant tout une question de style, c'est-à-dire que la disparition de la Prima Repubblica, donc ce premier régime républicain entre 1946 et 1994, se serait accompagnée de la disparition de la gravité, de la maîtrise de soi et de la nuance comme facteur de distinction, notamment dans le champ politique. C'est d'ailleurs ces mêmes analystes qui disent « Oui, bien sûr, Fallaci dit des choses excessives, mais bon, c'est uniquement verbal ». Néanmoins, en fait, on observe que même dans ce dernier cas, même dans ceux qui analysent justement ça en termes de changement de style, les changements observés dans l'espace public, en fait, ne font jamais l'objet d'une analyse du processus lui-même, de même qu'est ignoré, en fait, le rôle qui joue le champ intellectuel, notamment parce qu'en Italie, l'étude de ce dernier reste essentiellement une prérogative de l'histoire des idées qui s'intéresse rarement aux deux décennies les plus récentes, voire une prérogative de l'essayisme et échappe donc aux sciences sociales. Alors, d'où, en fait, l'intérêt pour nous de s'intéresser au cas de Fallaci, c'est-à-dire de se pencher sur un petit peu ce succès exceptionnel que je vais vous présenter tout de suite, rencontré donc par la trilogie sur l'islam et l'Occident de la journaliste écrivain Oriana Fallaci, c'est-à-dire ces trois livres qui s'appellent donc La rage et l'orgueil, La force de la raison, et ensuite Oriana Fallaci s'interview elle-même, suivie d'un deuxième essai qui s'appelle L'Apocalypse. Alors, les deux premiers, si pour ceux que ça peut intéresser, ont été traduits en français. Le premier chez Plon, le deuxième à la table ronde, et le troisième n'a pas été traduit. Ils ont été traduits les trois en anglais, les deux premiers en anglais également. C'est-à-dire donc un article donc, qui, en s'intéressant un petit peu à ce succès, entend d'abord combler des vides en contribuant, donc c'est notre propos, à développer une approche sociologique à la fois de la xénophobie en Italie et des intellectuels cisalpins, et à compléter ainsi en fait les ébauches partielles et déjà anciennes qu'en font des gens par exemple comme Alessandro Dal Lago. Et donc il s'agit ici aussi également de prolonger le premier relevé un peu compilatif des diverses prises de position islamophobes effectuées par des gens comme Renzo Guol, et qu'on a déjà essayé de compléter par une description du champ dans un chapitre qui devrait sortir prochainement en anglais, et qui a donné l'objet d'une version abrégée à un article dans Contretemps. Et donc, dans la prolongation de ça, en se focalisant sur Fallaci, en fait, notre analyse cherche à montrer qu'on ne saurait comprendre indépendamment l'origine, les modalités et les effets du magistère public que Fallaci a incarné donc de septembre 2001 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire durant une période qui correspond à quelques mois près au second mandat de Silvio Berlusconi. Et ainsi participer donc de la structuration d'un moment où la xénophobie des Italiens s'est faite particulièrement donc virulente à l'égard des musulmans. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle en termes de succès ? Avant peut-être même de passer au contenu, il faut peut-être un petit peu vous donner une idée de la réception du livre. Donc, c'est-à-dire que le livre, en fait, ces trois livres donc, se sont vendus... Alors, non, le premier déjà, donc La rage et l'orgueil, s'est vendu donc à plusieurs millions d'exemplaires en Italie. Donc plusieurs millions d'exemplaires, faut se rendre compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça en fait le best-seller en fait des années 2001 et 2002, tout genre confondu, hein, fiction et non-fiction. Tandis que par exemple La force de la raison, donc le deuxième livre, est arrivé également en tête, tout genre confondu, en 2004. C'est-à-dire, pour le dire clairement, que par exemple, alors même que c'était l'année où est sorti le Da Vinci Code et où il y avait également un tome de Harry Potter qui est sorti, donc La force de la raison a vendu plus que le Da Vinci Code et que Harry Potter. Et la troisième livraison donc, de cette trilogie se classa en fait en troisième position des ventes 2005, d'ouvrages non fictionnels, mais en fait, ce rang ne tient pas compte d'un million d'exemplaires qui avaient déjà été écoulés au cours de l'année précédente, vu qu'il est sorti en décembre. Donc c'est un livre pour lequel il est difficile, en fait, vu qu'il s'est vendu sur 2 années, de le situer dans les rankings. Par ailleurs, si vous voulez, au-delà de ce plébiscite par l'achat de livres, l'œuvre récente de Fallaci, donc ses 3 ouvrages, ont aussi été salués par de nombreuses autorités officielles qui lui décernèrent à la fin de sa vie donc les plus importantes reconnaissances civiques, la médaille d'or de la République italienne, que lui a remis en 2005 donc le président de la République en personne, celle de la commune de Milan, gouvernée par une majorité de droite, et également, presque simultanément, la médaille d'or de la région Toscane, qui lui a été remise donc par une région de gauche le mois suivant. Donc il faut se donner une reconnaissance civique et publique extrêmement élevée et transversale le spectre politique. Pourtant, il est quand même étonnant, cette reconnaissance peut paraître étonnante de prime abord, parce que, en fait, les ouvrages, quand même, de Fallaci, cherchent avant tout, en fait, sont des essais qui cherchent avant tout à étayer une haine primaire et essentialiste envers les musulmans. Ils renouent donc avec les procédés d'une littérature d'avant-guerre que l'on pouvait croire, définitivement éteinte en Europe. Ils recourent donc à des processus rhétoriques assez grossiers, type la falsification systématique des faits, ou en tout cas de multiples erreurs grossières, le recours à la théorie du complot, l'animalisation et description des adversaires en pervers sexuels et en menaces sanitaires, un racisme ordurier, des insultes homophobes, l'appel à la violence étatique, le tout en quelque sorte sous une forme qui tient plus, pourrait-on dire, de l'invective à bâton rompu que du raisonnement. Alors plus que certains d'entre vous, c'est pas complètement notre propos ici, mais il faut quand même un petit peu vous présenter de quoi il s'agit, donc je vais peut-être prendre 2-3 minutes pour vous en illustrer les contenus. Donc, le contenu des livres, c'est le premier ouvrage, La rage et l'orgueil, paru au lendemain de la destruction des tours jumelles, présente l'islam comme une monade anhistorique et indifférenciée, sans déclinaison ou tension interne qui pourrait donner lieu à une analyse. Il n'existerait donc aucune distinction recevable entre fondamentalisme et islam modéré ou sécularisé. Tous les musulmans, c'est dit comme ça, sont des terroristes potentiels, et les immigrés sont l'avant-garde d'une invasion qu'il serait illusoire de vouloir intégrer par la citoyenneté ou l'acculturation. La guerre et la fermeture des frontières seraient les seules solutions à ce conflit séculaire entre civilisation et barbarie. Le deuxième livre, qui est paru donc 3 ans après, dénonçait quant à lui le laxisme des sociétés civiles et des gouvernements européens qui n'avaient toujours rien entrepris pour contrer le fléau des migrants et de l'islamisation en cours, dont l'auteur voit les symptômes dans toute tolérance vis-à-vis des spécificités culturelles des musulmans, tandis que se perpétuerait le grand complot, et les manœuvres concertées pour transformer l'Europe, et tout particulièrement l'Italie, en province de l'Oumma. Donc, l'Europe entièrement islamisée, le rabbi, elle reprend le terme de Batior, serait pour demain, tant serait avancée en fait la tâche insidieuse de ces fourriers du fondamentalisme musulman que sont pêle-mêle les sciences sociales, l'altermondialisme, les gouvernements occidentaux qui cèdent aux sirènes d'une société multiculturelle, voire même le Vatican de Jean-Paul II qui est accusé de prôner la charité à l'égard des immigrés étrangers au lieu de prendre la tête du combat contre l'islam. Le troisième ouvrage reprend globalement les thèses des 2 premiers. Et il mêle un commentaire plus conjoncturel de l'actualité italienne et internationale, ainsi que la dénonciation renouvelée du boycott dont l'auteur s'estime victime, alors même qu'on l'a dit qu'elle a au contraire vendu un très grand nombre d'ouvrages. Alors, vous voyez, l'idée c'est que face à un tel contenu, ce qui était d'abord frappant, c'était de voir que on avait quelques intellectuels célèbres ou spécialistes du monde islamique qui se sont épisodiquement attachés à démonter sa rhétorique et à démentir ses allégations, sans toutefois que ces dénonciations n'aient permis à aucun moment d'enrayer le succès éditorial et public des ouvrages. D'où la question centrale pour nous, avec toutes les facettes qu'elle comporte, qui était donc de comprendre comment ce succès exceptionnel a été possible. Comment les prises de position de Fallaci sur les relations interculturelles et la non-intégrabilité des musulmans ont-elles acquis une telle légitimité et une telle diffusion en Italie au point de devenir des textes de référence en la matière? Et on a donc essayé de répondre à cette question en analysant successivement, premièrement, la manière dont la journaliste écrivain s'est progressivement imposée au cours de sa carrière comme une intellectuelle de premier plan au niveau national. Deuxièmement, la façon dont les pamphlets de sa trilogie ont été accueillis par les autres intellectuels et journalistes, qui ont constitué ses principaux relais auprès du grand public. Enfin, troisièmement, les modalités de réception par le grand public, notamment en termes de diffusion des représentations véhiculées par les trois ouvrages et de résonance ou dissonance avec celles des lecteurs les plus fidèles de Fallage. Alors, effectivement, donc, dans une des premières, disons, la première dimension de notre analyse a été en quelque sorte d'essayer de voir, de s'intéresser à la carrière en quelque sorte de Fallach et de comprendre de quelle façon elle avait construit sa légitimité au cours du temps, en passant notamment la position de ce qu'on appelle une intellectuelle de terrain à en fait une posture dominante multiforme. Alors, ce qui est intéressant d'abord de constater, c'est que selon en fait les universitaires italiens, Oriana Fallaci en fait ne devrait même pas être comptée parmi les intellectuels entre guillemets. C'est-à-dire que, alors, comme on atteste notamment le fait qu'elle ne soit jamais mentionnée dans leurs études traitant de ces derniers, pourquoi ? Parce que pour ces analystes en fait, l'intellectuel et surtout celui pouvant faire figure de maître à penser est presque toujours donc un collègue issu du monde académique. Et s'il souligne que la sociogenèse nationale de la catégorie a eu lieu par référence constante au cas français, notamment dès la période de l'affaire Dreyfus, ils en excluent notamment, de fait, la majorité des artistes, écrivains et journalistes, d'autant plus lorsqu'ils ne sont pas organiquement engagés aux côtés d'une formation politique. Cette acception donc restrictive, d'ailleurs, qui est à l'origine du silence en fait, que la majorité du monde universitaire a opposé au pamphlet de Fallaci. Pourquoi ? Parce que leur argumentation simpliste et le fait que leur auteur était totalement extérieur à l'université, dont elle n'est même pas diplômée, en faisait des produits d'une culture de masse, dont et avec lesquels les savants n'auraient même pas à débattre. Néanmoins, dans un des seuls pays européens où il est encore aujourd'hui courant en fait, d'accéder aux plus hautes responsabilités de l'État, des entreprises et des médias sans le moindre diplôme du supérieur, la légitimité publique de cet journaliste écrivain et ses prises de position viennent en fait d'ailleurs. Alors, qui est Oriana Fallaci ? On ne peut pas en éviter de passer par là et de raconter un petit peu son histoire. C'est-à-dire le fait que, donc, qui est-elle ? Donc, après avoir donc, activement participé, donc elle est née en 29, elle a participé activement en fait durant sa prime adolescence à la résistance, dans les rangs notamment du mouvement Giustizia Libertà, qui réunissait par ailleurs la plupart des intellectuels antifascistes non marxistes de l'époque. Elle a ensuite débuté une carrière journalistique à l'âge de 17 ans, sous le patronage d'un oncle paternel qui dirigea successivement plusieurs hebdomadaires nationaux. Dans ce cadre, elle s'est essayée donc à la couverture de différents sujets, avant de s'imposer à 25 ans comme l'une des principales chroniqueuses italiennes du monde du spectacle, entre la Rome de la Dolce Vita et Hollywood. Néanmoins, à partir des années 60 et 70, s'est effectué un tournant. Et c'est durant ces années-là qu'elle a en fait accumulé l'essentiel de son capital symbolique au fil d'une existence cosmopolite et aventureuse de grands reporters à travers une œuvre journalistique et littéraire qui en a marqué les étapes. C'est donc en fait sa réussite dans un univers professionnel très masculin, ses correspondances des deux côtés du front durant la guerre du Vietnam, la rafale de mitrailleuses qui faillit lui coûter la vie en 1968 lors du massacre de la place des Trois Nations à Mexico, ses interviews sans déférence avec les leaders politiques du monde entier, une histoire d'amour tragique avec le poète et dissident grec Alexandros Panagoulis, ses nombreux récits et romans toujours plus ou moins autobiographiques et son statut d'icône féministe, controversé certes, mais icône féministe néanmoins, par sa vie comme par plusieurs thèmes récurrents de son œuvre, qui sont autant d'éléments qui en ont fait une figure à la fois exceptionnelle et familière pour beaucoup d'Italiens. Pourquoi ? Parce que tout en lui conférant en fait une indépendance vis-à-vis de la dichotomie historique entre démocratie chrétienne et parti communiste qui caractérisa le champ politique italien durant les quatre premières décennies d'après-guerre, ces traits en fait situent notamment Fallaci dans la lignée d'auteurs comme Curzio Malaparte, Indro Montanelli et Tiziano Terzani, qui comme elle d'ailleurs quittèrent leur Toscane natale, dont la centralité dans la culture italienne en fait évite toute tentation de repli régional, pour en fait des carrières de grands reporters marquées par l'expérience de la guerre, de la connaissance directe des acteurs des relations internationales et une œuvre d'écrivain voyageur. Et en fait, ce sont ces caractéristiques qui les ont, tous ces auteurs et Fallaci dans la même lignée, légitimé en fait comme maître à penser l'actualité mondiale auprès d'une partie du public italien pour qui en fait l'engagement physique sur le terrain et non l'autonomie scientifique ou artistique est la meilleure garantie d'une prise de position lucide et courageuse. D'accord ? C'est en fait donc la revendication d'une position spécifique par le fait de j'y étais, j'y suis allé, je sais de quoi je parle. Donc, dans le cas spécifique en fait de Fallaci, l'expertise revendiquée au lendemain du 11 septembre reposait en fait sur plusieurs éléments. Sur sa présence à Manhattan, où elle habitait depuis 2 décennies, le matin des attaques, et sur le fait que les États-Unis, le Moyen-Orient et la guerre, comme entité générale, avaient régulièrement été l'objet de ses interviews, articles et ouvrages antérieurs. Depuis ses premiers reportages dans l'Iran en 1954, jusqu'à la guerre du Golfe, où, à l'âge de 60 ans passés, elle avait couvert sur le terrain l'invasion américaine, enfin la libération américaine du Koweït, pardon, et son roman, et notamment également sur son roman Inch'Allah, qui avait été publié en 1990, et qui portait en fait sur la guerre du Liban, et plus particulièrement déjà sur les attentats suicides de 1983 qui précipitèrent donc le retrait de la force multinationale d'interposition au Liban, et dans laquelle donc elle s'intéressait déjà à la de façon romanesque, hein, à la psychologie des kamikazes islamiques. Alors, par ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, son statut durable d'intellectuel critique spécialisé, pour reprendre la terminologie de Gisèle Sapiro, donc d'intellectuel critique spécialisé sur ces questions, la guerre, l'islam, etc., le monde musulman, était d'autant plus consolidé en Italie qu'il n'existe pas dans le pays ni d'intellectuels musulmans, religieux ou séculiers, reconnus dans l'espace public, où ceux qui existent ont une audience vraiment extrêmement confidentielle. Et deuxième point, que l'université en fait et la recherche italienne ne disposent quasiment de personnes qui auraient pu contester ce primat à disserter du monde musulman et des relations interculturelles, notamment parce que l'anthropologie, l'orientalisme scientifique et la sociologie critique des migrations sont en fait très peu développées dans le champ académique italien, notamment si on compare avec ce qu'il en est dans le reste des pays d'Europe occidentale. Et que évidemment les quelques-uns, enfin les anthropologues et quelques anthropologues orientalistes qui existent, bénéficient en fait d'une très, très faible visibilité médiatique et en fait durent se cantonner à des initiatives isolées, comme par exemple les ouvrages d'un spécialiste de l'islam italien qui s'appelle Stefano Allievi, qui a répondu à Fallaci point par point en faisant une analyse critique très détaillée des erreurs factuelles et d'un certain nombre d'artefacts rhétoriques qu'elle mobilise. Mais en fait, son ouvrage n'a quasiment trouvé aucun éditeur important et est resté complètement confidentiel. On peut également citer la promotion d'une pétition initiée notamment par l'ethnologue Anna Maria Rivera sous forme de lettre ouverte au président de la République pour tenter en vain d'empêcher la décoration de Fallaci. Alors, toutefois, en fait, si l'œuvre de Fallaci avait laissé transparaître par le passé, et notamment au cours de ses ouvrages précédents, une représentation caricaturale de l'islam et l'aversion de l'auteur envers les musulmans, qui en fait ont trouvé déjà dans un certain nombre de ses ouvrages antérieurs à cette trilogie islamophobe des années 2000, elle se caractérisait surtout par le passé, en fait, par la vérification des faits sur le terrain, un certain relativisme culturel, des récits polyphoniques cherchant à restituer la pluralité des points de vue, une suspension analytique du jugement moral et une démarche compréhensive. Ça, c'était la Fallaci de avant 2000 et de avant les années 90. Et c'était celle, notamment, qui construit sa légitimité au cours de ces années-là. Enfin, durant en fait les premières décennies de sa vie jusqu'à l'âge de 60 ans. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que ces caractéristiques en fait disparaissent complètement dans les 3 essais de la trilogie, écrits en fait après 10 ans de sédentarisation contrainte par la maladie et l'isolement volontaire, consacré à l'écriture de son dernier roman, mais qu'en fait ce revirement en termes d'économie de la démonstration, dirait-on, ou en tout cas d'exposition des faits, est passé quasiment inaperçu et fut encore moins évidemment revendiqué par l'auteur. Fallaci, en effet, et ça, c'est à ça qu'il faut notamment, pour voir ça en termes de cause personnelle et de cause liée à sa façon justement de prendre position, était une virtuose en fait de l'élaboration publique de cohérence biographique charismatique pour avoir été par le passé, l'une des majeures spécialistes de leur démontage au cours d'interviews sans concession. Et elle avait du coup assimilé notamment un certain nombre de techniques d'auto-présentation et de construction d'une cohérence biographique. Et notamment, elle avait assimilé le fait que le charisme, en quelque sorte, pouvait s'acquérir de trois façons complémentaires, en apparaissant comme le demiurge de son propre succès, en échappant à la critique, c'est-à-dire en étant celle sur qui il ne peut y avoir pluralité de point de vue, c'est-à-dire par définition se faisant l'objet d'un récit épique, et en résistant à la corruption, entre guillemets, c'est-à-dire en durant égal à elle-même, ou du moins à la faveur de la condition précédente, en se donnant à voir comme telle. Ce troisième point donc implique formellement du coup de présenter toute prise de position comme un prolongement des précédentes, et c'est exactement ce que Fallaci fit en revendiquant en fait un engagement intellectuel constamment fidèle à l'esprit du Risorgimento et hérité de son expérience adolescente de la résistance, c'est-à-dire qu'elle va présenter les choses en disant que en érigeant l'islam en fait en nouvel avatar du fascisme et de l'envahisseur contre lequel elle s'était battue dès son plus jeune âge, et plus généralement, cette continuité dans son histoire et cette fidélité à soi, c'est-à-dire à une figure publique d'elle-même, ont été progressivement élaborées par l'auteur, notamment en tant que principale représentante italienne du New Journalism, en se mettant en scène dans tous ses livres et dans ses articles, et où elle fait primer en fait une cohérence narrative centrée sur sa personne et sa subjectivité, et par là fonctionnelle en fait à la défense de ses thèses. C'est-à-dire que les épreuves de plausibilité sur lesquelles se fonde la cohérence du récit de soi servent d'opérateur logique du processus de conviction, se substituant ainsi en fait aux épreuves de pertinence, c'est-à-dire de réalité expérimentale popérienne ou de vérité interconceptuelle. C'est-à-dire qu'il faut bien voir de quoi il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui raconte, en fait, qui écrit des essais islamophobes en les écrivant à la première personne, en mettant en avant son expérience personnel, son ressenti des choses, et donc, en quelque sorte, en construisant la cohérence du récit sur le « si vous voulez le mettre en doute, vous devez mettre en doute ma bonne foi. Vous devez mettre en doute l'authenticité de mon engagement, ma sincérité, et surtout la sincérité qui est en fait la sincérité de mes émotions, qui est des émotions et des motivations subjectives qui ont motivé mon engagement. » C'est-à-dire que, en quelque sorte, elle va donc systématiquement prendre, construire en quelque sorte la cohérence du récit de cette façon. Et du coup, c'est comme ça que, disons, que le récit sera lu et reçu dans une très grande partie par une très grande partie de ses lecteurs, y compris d'ailleurs. Par des journalistes, des intellectuels, qui diront « mais on ne peut pas attaquer Fallaci parce qu'elle croit dans ce qu'elle dit, elle est honnête, elle est authentiquement en fait, engagée, authentiquement motivée authentiquement engagée dans ce qu'elle dit, et au nom de cette authenticité, et de l'authenticité qui est en plus l'authenticité de quelqu'un qui a eu un parcours d'engagement pour un certain nombre de bonnes causes au cours de l'histoire, en quelque sorte, mettre en cause ce qu'elle dit, ça serait mettre en cause son engagement, et ça serait mettre en cause son intégrité, et du coup, ça serait mettre en cause une continuité entre la Fallaci d'aujourd'hui et la Fallaci d'hier, que nous apprécions tous et qui en plus est un symbole de notre pays. Donc en fait, on était dans une situation où elle était extrêmement habile en utilisant notamment les techniques donc de narration subjective du New Journalism, vous savez, c'est-à-dire de récits fondés justement sur des cohérences émotionnelles, avait mis en place un schéma narratif de cette son schéma narratif de cette façon-là. D'autant plus en fait que on a donc du coup une accumulation en fait cinquantenaire au cours d'un demi-siècle de capital symbolique personnel et une mise en scène de soi qui l'accompagne, qui permet à Fallaci de franchir en fait un nouveau palier à l'automne 2001. Et c'est-à-dire qu'en fait donc cette cohérence narrative, cette figure de Fallaci a pris d'autant plus d'ampleur et est devenue véritablement acquis une stature de magistère public de premier plan à l'automne 2001, en s'imposant, entre autres, à la faveur en fait, du vide laissé par le décès justement de Indro Montanelli, qui était perçu comme une grande figure tutélaire dans l'espace public italien, et en s'imposant, en remplaçant en quelque sorte, même physiquement d'ailleurs, dans ses prises de position, dans les espaces qui lui étaient accordés dans un certain nombre de quotidiens, en remplaçant Montanelli comme grand intellectuel généraliste du moment. C'est-à-dire que, comment elle fait ça, au-delà en fait de la tradition spécifique donc de journaliste-écrivain dans laquelle elle se situait jusque-là, une figure qui continue à être incarnée en Italie par quelques-uns. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'elle donc, elle a réussi en quelque sorte à dépasser cette figure donc, de journaliste-écrivain pour s'imposer en intellectuel critique généraliste et en commençant à dialoguer et à se situer sur le même plan de personnes comme Dario Fo, donc prix Nobel de littérature, Umberto Eco, Nanni Moretti. Donc, alors ça, c'est un type, si vous voulez, de posture intellectuelle dans l'espace public. Donc, le passage d'intellectuel critique spécialisé à intellectuel critique généraliste. Et par ailleurs, en fait, il faut rajouter que dès les premières pages de la rage et l'orgueil, et tout au long de sa trilogie, Fallaci donc se présente comme une hérétique, une Cassandre. Elle prétend briser 10 ans de silence à cause de l'urgence extraordinaire de la situation, et définit ses textes comme des sermons révélant les vérités qui fâchent, que les politiciens intellectuels bien-pensants cherchent à dissimuler, des j'accuse, pour reprendre ces termes, dont elle revendique le caractère émotionnel et totalement désintéressé, et qui lui ont valu autant l'acclamation de tous les lecteurs de bonne volonté que les risques mortels que lui feraient courir les ennemis auxquels elle s'attaque. Elle prend ainsi la posture prophétique constitutive de son nouveau statut, mais, en réussissant à la faire coexister avec des attributs caractéristiques d'autres modèles d'intervention politique des intellectuels. En effet, premièrement, elle développe un anti-intellectualisme, par ailleurs, dans ses ouvrages, qui dénigre les spécialistes adverses au nom de leur prétendue faiblesse morale et d'une sophistication dénoncée comme de l'affectation. Deuxièmement, elle présente l'isolement dans lequel elle a écrit sa trilogie comme un gage d'austérité, de sérieux et d'érudition, qui lui permet dès lors de se livrer à des simplifications et d'adopter une position anti-intellectualiste tout en les laissant apparaître comme un libre choix, évitant ainsi de s'en trouver disqualifié. Et troisièmement, enfin, elle affirme que ses thèses sur l'islam seraient consultées, appréciées et partagées à travers le monde par quelques leaders aussi rares que lucides et courageux, notamment Bill et Hillary Clinton, en qui elle voyait une future présidente des États-Unis, ainsi que Benoît XVI, dont le pontificat, en fait, débutait en avril 2005, soit 4 mois après donc, la parution du troisième ouvrage de la trilogie. Oriana Fallaci donc, cumule ainsi pour ses admirateurs les marques en fait, de toutes les positions dominantes au sein du champ intellectuel, c'est-à-dire figure une position totale qui faisant coexister en un même individu toutes les positions dominantes du champ, annule en fait, la possibilité même du jeu, de la critique et de l'expertise, c'est-à-dire de la controverse, au sein de celui-ci, ou plus exactement, au sein de ce que le lecteur qui a adopté le point de vue de ses livres s'imagine du coup être le débat public et sa composante intellectuelle. Or, la diffusion et la réception des pamphlets fallaciens, lequel rend ainsi hommage aux différentes formes traditionnelles de légitimité des intellectuels pour mieux les détourner par la posture, certains d'autres diraient l'imposture, ne saurait donc être analysé sans tenir compte des ressorts inhérents au processus de légitimation dans les différents contextes où ce dernier s'inscrit. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire un petit peu dans un deuxième temps, c'est-à-dire, après s'être d'abord intéressé en quelque sorte aux ressorts internes, donc en termes de cohérence biographique et de mode, d'expression et de structuration rhétorique, de son travail, on s'est intéressé donc à la réception de la trilogie par les journalistes et les intellectuels, et notamment à la façon dont cette réception de la trilogie devait être décrite en termes de multipositionnalité de Fallaci et d'hétéronomie des champs, pour prendre un terme bourdieusien. Alors, il faut d'abord pour ça rappeler, pour comprendre que l'espace public italien en fait est fortement structuré par quelques conglomérats médiatiques, et que les deux plus gros d'entre eux ont eu un rôle primordial en fait, dans le succès de la trilogie de Fallaci. Donc on a d'abord en fait, le groupe Rizzoli Corriere della Sera, qui est l'éditeur des ouvrages de la journaliste écrivain depuis 1961, ainsi que l'éditeur du Corriere della Sera, qui est donc le principal quotidien du pays, qui publia en, fait, en avant-première des versions courtes de ces 3 pamphlets islamophobes, et les diffusa aussi sous forme de CD audio. Tandis que Mediaset Mondadori, qui appartient à Silvio Berlusconi, participa au lancement des livres en les promouvant en direct lors des principaux journaux télévisés. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, ça. Il faut dire que quand La Force de la Raison est sortie, lors du principal journal télévisé sur la principale, la première chaîne en termes d'audience, le journaliste a dit « Oriana Fallaci vient de publier un nouvel ouvrage aujourd'hui qui fait suite donc à son admirable best-seller « La rage et l'orgueil » et il avait des feuilles, il a dit « Je vais vous en lire certains passages ». Et il a lu certains passages pour présenter l'ouvrage, donc il a lu rapidement quelques bonnes feuilles au journal télévisé. Alors, une promotion lors des principaux journaux télévisés, mais également par la programmation sur la première chaîne nationale d'une soirée spéciale au cours de laquelle Fallaci lut elle-même de longs extraits de sa trilogie, et par la publication d'agiographies sous forme d'ouvrages et de numéros spéciaux de Panorama, donc le premier news magazine italien. Donc Panorama, par exemple, à l'instar du Corriere, présenta également à la une plusieurs tribunes ponctuelles qu'elle écrivit pendant les années 2001-2006. Voilà. Ainsi, en fait, si l'on considère que durant la même période, Fallaci fit aussi l'objet d'une couverture majoritairement élogieuse sur les chaînes de télévision publique, dont les dirigeants et les responsables éditoriaux sont désignés respectivement par le gouvernement et avec son accord, en fait, il pourrait sembler suffisant de ramener son succès des années 2000 à l'effet cumulé de sa réputation antérieure, de sa virtuosité à se déplacer dans le champ intellectuel national et de la puissance de feu médiatique dont elle bénéficia. Et c'est d'ailleurs ce qu'un certain nombre de gens m'ont dit. C'est-à-dire que quand on parlait avec certains collègues de notre travail en cours, ils nous disaient « Mais enfin, vous voyez bien, c'est une sorte de mythe national. Elle a réussi en plus à enfumer tout le monde en faisant croire qu'elle occupait plusieurs positions du champ intellectuel à la fois. Et en plus, voilà, on lui fait de la pub au journal télé et on vend ses livres en supplément des principaux quotidiens du pays, forcément, tout le monde va la lire, elle ne peut qu'être centrale dans l'espace public. » Alors, néanmoins, évidemment, donc, c'est évidemment des causes, c'est pour ça qu'on les a évoquées en premier, qui sont importantes, mais cette explication synthétique fait toutefois l'impasse, en fait, sur les mécanismes précis qui ont permis au discours islamophobe de l'auteur de s'imposer comme légitime et comme une référence incontournable du débat public. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, en quelque sorte, il y a ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une puissance de feu médiatique, mais il y a aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette puissance de feu médiatique, elle ne s'exerce pas de façon, comment dire, automatique, elle passe évidemment... ces effets passent par des mécanismes précis qu'il s'agit du coup d'essayer d'analyser et d'identifier. Alors, l'un des aspects en fait les plus surprenants de prime abord, si notamment on analyse la réception dans le champ intellectuel et dans le champ journalistique de son œuvre, donc l'un des aspects les plus surprenants est en fait le blanc-seing dont la journaliste écrivain a bénéficié lors de la publication de ses pamphlets. C'est-à-dire que Fallaci écrivit en fait La rage et l'orgueil à l'instigation et sous la seule supervision éditoriale de Gianni Vallardi, qui était alors le directeur éditorial du groupe Rizzoli, et de Ferruccio De Bortoli, qui était alors le directeur du Corriere, sans qu'aucun autre relecteur n'intervienne dans la finalisation de son texte. Mais quand je dis aucun autre relecteur, c'est même au sein de la maison d'édition. C'est-à-dire que, conformément à une habitude qui s'était installée depuis des années, elle échappa ainsi à toute forme de vérification, évidemment de peer review sur les contenus, donc à la correction des invectives les plus gratuites et des erreurs factuelles les plus flagrantes dont l'on aurait pu s'attendre qu'elles entrent en conflit avec l'éthique journalistique. Alors, les témoignages à ce niveau concordent pour souligner qu'elle n'avait en fait pas de véritable père au sein de la profession, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'était pas adulée par des épigones ou des admirateurs en quête de captation symbolique par un rôle même minime dans sa légende personnelle, elle était le plus souvent crainte. C'est-à-dire qu'elle imposait par la menace et la colère, c'était quelqu'un qui avait l'impression d'être très coléreux, censure et autocensure à la plupart des journalistes qui voulaient parler d'elle, n'hésitant pas à les poursuivre en justice lorsqu'ils enfreignaient ses vétos. Ainsi, en fait, les grands titres de droite lui demandaient généralement son aval avant de publier quoi que ce soit la concernant, c'est-à-dire même des critiques ou des réactions à ses prises de position. Et les textes journalistiques sur elle n'ont la plupart des fois pour seule source que ses propres écrits. C'est-à-dire que tous les travaux sur la vie de Fallaci, en fait, auront comme unique source ses propres écrits autobiographiques. Par ailleurs, en fait, la trilogie de Fallaci a également bénéficié de très nombreux appuis parmi les intellectuels proches ou parties prenantes de la droite italienne, en particulier de son principal parti politique de l'époque, Forza Italia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, adoptant un ton moins agressif que la Ligue du Nord, qui n'a en fait jamais vraiment cherché à fonder son racisme essentialiste sur des justifications complexes, l'ensemble des think tanks et autres officines intellectuelles de Forza Italia ont préparé et accompagné la diffusion des pamphlets Fallaci, non seulement en effectuant depuis une douzaine d'années un travail de mise en forme savante, et donc de légitimation et renforcement du zeitgeist ou humeur idéologique xénophobe, qui par-delà et grâce à l'apparente diversité des argumentaires au sein de la droite et du centre-droit, engendre et réinvente en fait l'assortiment des lieux communs de la question migratoire et de la tentation identitaire occidentaliste, mais aussi parce que ces officines, en fait, ces think tanks ont publiquement loué et justifié les thèses de la trilogie. Gianni Badgett-Boats, par exemple, qui était le conseiller de Silvio Berlusconi pour les questions liées à l'islam, Marcello Pera, donc le président du Sénat, et Gaetano Quagliariello, à la tête de la Fondation Magna Carta, Ferdinando Adornato, qui est le directeur de la revue et de la Fondation Libéral, un autre des autres principaux... Je vais peut-être passer 5 minutes à nouveau, mais je me dépêche de finir. Ouais. Ferdinando Adornato, qui était donc le directeur de la revue Libéral, qui est un autre think tank important, ainsi que le groupe de la Fondation Ideazione et la revue homonyme. Donc ça, je vous renvoie, pour ceux qui seraient plus intéressés, à disons une approche prosopographique de la façon dont un grand nombre d'intellectuels ont porté en quelque sorte des réflexions islamophobes et ont contribué à la reconfiguration de l'islamophobie au cours des 10 dernières années, ben, c'est ce chapitre article qu'on vient d'écrire, hein, qui a justement pour but en fait un petit peu de décrire le champ intellectuel et ses rapports et son hostilité notamment à l'islam au cours des 10 dernières années, parce qu'on s'était justement rendu compte que avec une approche qui passait uniquement par Fallaci, souvent on devait systématiquement recontextualiser, ça prenait un peu trop d'espace, notamment dans l'article en cours d'écriture, donc c'est pour ça qu'on a décidé un petit peu de découpler cette description plus générale. Donc en gros, si vous voulez... Il y a un chapitre qui va sortir dans un ouvrage pour Ashgate qui s'appelle Global Islamophobie. Oui, je crois qu'il a indiqué sur le site. Oui, voilà, vous l'avez aujourd'hui. Ouais. Et donc en fait... donc vous avez en quelque sorte l'ensemble des intellectuels italiens les plus, si vous voulez, à la fois des personnes qui sont à la fois des intellectuels médiatiques, mais aussi des universitaires et les conseillers effectivement des principaux partis politiques au pouvoir, qui donc ont tous à de nombreuses reprises dressé des éloges appuyés des trois pamphlets contre l'islam, à l'instar également donc de plusieurs autres intellectuels conservateurs célèbres pour leurs activités d'éditorialistes modérés et l'autorité publique dont ils bénéficient. Hein. Donc là, je vous renvoie des gens comme Giuliano Urbani, Sergio Romano, Angelo Panebianco, Galli della Loggia, Maggi Allam, Franco Zeffirelli et même Giovanni Sartori, qui est en quelque sorte un peu grande figure tutélaire de la science politique italienne, qui est prof émérite maintenant à l'Université Columbia à New York. Pour ces intellectuels qui déclarent partager le fond en fait des propos de Fallaci, leur forme est parfois excessive, mais toujours excusée par le talent littéraire de l'auteur et la vérité de son indignation. Enfin, ça c'est un autre élément intéressant, la singulière licence poétique dont Fallaci bénéficie en Italie est aussi en quelque sorte la conséquence de sa multipositionnalité elle-même, entre les champs journalistiques, littéraires, intellectuels et médiatiques, et entre l'Italie et les États-Unis. En effet, il ne s'agit pas d'une diffusion... C'est-à-dire que sa légitimation ne s'est pas construite comme une diffusion issue de mouvements distincts par lesquels une réputation solidement établie dans un champ national spécifique essaimerait progressivement dans un champ voisin avec lequel le premier partage certaines instances de légitimation et ainsi de suite. Le processus relève plutôt des garanties croisées et simultanées dont l'itération permet d'occulter que l'image publique de virtuosité exceptionnelle dont jouit Fallaci n'est effectivement fondée dans aucun domaine. De fait, en 1967 et 72, elle a effectivement reçu le prix Saint-Vincent pour le journalisme, qui est un des principaux prix italiens, mais s'il s'agit de la plus haute récompense italienne dans la profession, elle est attribuée chaque année à une douzaine de journalistes, et des dizaines d'entre eux en ont été primés plus d'une fois. À la même époque, en 1970, « La vie, la guerre et puis plus rien », sa première chronique de la guerre du Vietnam, a remporté le prix Bancarella, la plus commerciale des distinctions littéraires italiennes, qui récompense très souvent des ouvrages autobiographiques ou de témoignages et des romans à suspense. En 1979, elle a reçu un prix Viareggio spécial pour un homme, donc qui était un autre de ses ouvrages, mais qui dut beaucoup en fait au fait qu'il parlait de son compagnon qui était mort, le poète Alessandro Panagoulis, qui venait de mourir et qui avait lui-même reçu le Viareggio 10 ans plus tôt. Néanmoins, donc, malgré ces quelques récompenses, ni le Strega, ni le Campiello ou le Bagout, c'est-à-dire aucun des prix les plus distinctifs dans le champ littéraire national, n'a jamais été attribué à Fallaci. Ces deux grands romans, Inch'Allah et Un cappello pieno di ciliegie, un chapeau plein de cerises, auquel elle consacra l'essentiel des 25 dernières années de sa vie, et qui devait, de l'avis même de l'auteur, constituer son magnum opus, sa grande œuvre, furent des épiphénomènes de la vie littéraire italienne, ignorée par la critique savante et d'avant-garde. Par ailleurs, elle ne bénéficia jamais aux États-Unis d'une reconnaissance professionnelle, qu'elle soit journalistique ou littéraire, aussi extraordinaire que le prétendent ses supporters. Ses recueils d'interviews sont certes devenus un classique du genre, dont la lecture est conseillée dans les écoles de journalisme, mais ses autres écrits furent généralement considérés dès leur parution comme caricaturaux, mélodramatiques et inutilement grandiloquents. Aucun texte de Fallaci ne fut jamais récompensé outre-Atlantique, et le doctorat honoris causa du Columbia College de Chicago, qu'elle présentait régulièrement comme l'un des principaux marqueurs de prestige, ne fonctionnait comme tel qu'auprès d'un public qui, surtout en Italie, confondait en fait ses institutions avec sa plus célèbre homonyme new-yorkaise. Ainsi, les ressorts légitimant Fallaci et sa trilogie, d'un champ à l'autre et aux yeux du grand public, apparaissent dans toute leur efficacité et leur mode d'action lorsqu'on les rapporte à ces contextes dans lesquels ils opèrent. C'est-à-dire que, voilà, il faut vous voir que donc, c'est essentiellement une logique, et ça je pense que c'est quelque chose qui est important parce que c'est pas très, très souvent dit, on est dans une logique en fait, de garantie croisée qui en fait, est très semblable, justement, et c'est d'où ma comparaison au début, avec ce qu'on peut trouver, avec ce que peut par exemple illustré en France le succès de quelqu'un justement comme Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que ce qui est assez fascinant par exemple avec Bernard-Henri Lévy, c'est que quand il écrit, il n'a jamais des grands succès littéraires, mais il se présente comme philosophe, et quand il écrit de la philosophie, il dit « oui, mais je suis aussi un écrivain, je suis aussi un romancier », c'est-à-dire qu'on est dans la logique à la fois de la consécration médiatique, qui le présente comme un grand philosophe, mais évidemment les philosophes ne le reconnaissent pas comme tel, et cette possibilité, en fait, la possibilité d'échapper, en fait, à la dénigration, si vous voulez, ou la stigmatisation de l'absence d'œuvre par les pères romanciers ou philosophes, est en grande partie due au fait de jouer sur les deux tableaux à la fois et d'utiliser systématiquement l'une des étiquettes pour justifier la non-conformité au modèle du philosophe ayant réussi ou de l'écrivain ayant réussi. Donc là, on se dirige vers la fin. Les ressorts, donc dans le cas de Fallaci aussi, les ressorts, la légitimant et légitimant sa trilogie, d'un champ à l'autre et aux yeux du grand public, apparaissent en fait dans toute leur efficacité et leur mode d'action lorsqu'on les rapporte à ces contextes dans lesquels ils opèrent. C'est-à-dire qu'on a l'élaboration narrative de la cohérence charismatique de l'auteur qui fut d'autant plus performante en Italie qu'elle trouva en fait, donc historiquement, des co-régisseurs institutionnels dans les directeurs de rédaction qui, dès les années 60, lui accordèrent un statut d'exception, lequel lui permit notamment de contrôler ou d'occulter les critiques des autres journalistes. Donc, elle est passée, en fait, il y a eu un passage du statut de héros de la profession à celui de célébrité superlative échappant aux épreuves spécialisées, qui eut notamment lieu dans les pages et couvertures de l'Europeo, c'est-à-dire du principal news magazine de l'époque, le premier hebdomadaire italien d'images et d'actualité générale, pour lequel Fallaci travailla de 1954 à la fin des années 70 et qui publiait régulièrement ses textes accompagnés de photos la représentant sur le terrain, un choix iconographique très inhabituel. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans la construction de cette légitimité, de son droit en quelque sorte à se mettre en scène elle-même et à mettre en scène sa perception du monde, cette figure a commencé à se construire dans les années 60 où, lorsqu'elle faisait des reportages, c'était toujours elle quelque part, et elle figurait notamment sur les photos qui illustraient ses reportages. Donc il s'agissait en fait donc aussi d'un dispositif médiatique, embryon en fait, de la vaste machine qui, trois décennies plus tard, assura la promotion de sa trilogie, permettant d'intéresser un large public à ses ouvrages sans qu'il leur fût nécessaire de passer préalablement par une reconnaissance littéraire, tant lorsque ces livres reprenaient des reportages ou interviews déjà publiés que lorsqu'il s'agissait de récits plus intimes d'autres objets, comme par exemple la liberté sentimentale et sexuelle, le rapport à la maternité, à l'avortement, ou le compagnon d'une personnalité qui était déjà familière au lecteur. Durant la période 2001-2006, cette stratégie promotionnelle en fait, fut redéployée d'autant plus efficacement qu'elle joua initialement sur le manque que le silence décennal de la journaliste écrivain avait suscité chez ses lecteurs, contribuant à solenniser sa prise de parole et de position, Elle bénéficia ainsi de la convergence des intérêts économiques et politiques des plus grands groupes médiatiques du pays. Enfin, la posture dominante multiforme que Fallaci assuma à la fin de sa vie au sein du champ intellectuel national fut notamment rendue crédible par le soutien implicite et explicite que lui apportèrent donc les intellectuels conservateurs les plus influents, dont nombre d'intellectuels d'appareil de Forza Italia. Les derniers succès d'Oriana Fallaci interpellent donc la sociologie des intellectuels sur plusieurs points. Ils soulignent l'actualité et la vitalité, du moins en Italie, de l'intellectuel classique prototypique, qui revendique un discours universaliste de vérité désintéressée et de législation morale. Ce faisant, ils invitent à un intérêt renouvelé pour les modes d'intervention intellectuelle dans l'espace public et la culture de masse, sans se limiter donc à l'étude des mondes professionnels de l'art et de la connaissance, de leur organisation interne et des enjeux propres à chaque discipline, mais au contraire en intégrant le rôle des médias et des effets interchamps dans des analyses de performativité. Le moment Fallaci incite ainsi les sciences sociales à se pencher sur ces figures justement d'intellectuels médiatiques qu'on peut trouver également dans d'autres pays, et à la façon justement dont ces intellectuels ont... il s'agit d'étudier leur impact sur les catégories et les modalités nationales communes ou propres à tel ou tel pays, de représentation de l'islam et de reconfiguration de l'imagination géoculturelle. Ainsi, dans le cas de l'Italie de 2001 à 2006, où le contrôle serré d'une grande partie de l'espace public et médiatique par Silvio Berlusconi et ses partisans mériterait par ailleurs d'être plus largement étudié en tant que tel, et pour ses répercussions diverses dans le champ intellectuel, la réception de la trilogie de Fallaci repose, pour le début du XXe siècle, la question du rôle des intellectuels dans la diffusion d'idéologies et de représentations populaires, nationalistes et xénophobes. Mais la question en fait, qui reste, sur laquelle je vais terminer, c'est de savoir si en fait ils permettent, si en fait ces prises de position, et c'est l'analyse qu'on est en train en fait d'effectuer actuellement, ils permettent de reconfigurer véritablement les représentations justement nationaliste et xénophobe, ou s'il se limite à en être le catalyseur ou l'amplificateur. Alors sur ça, j'avais donc quelques notes que j'avais prises qui sont en anglais. En fait, je viens de réaliser que je les avais traduits ça en français, mais c'est sur un autre document. Mais voilà. Alors pour vous laisser, peut-être pour pas vous laisser, parce que je sais bien que vous êtes peut-être aussi intéressé à la sociologie des intellectuels et à la spécificité du cas italien, mais même si c'est une étude en cours et si les résultats, on n'a pas encore des résultats qui sont complètement consolidés parce qu'on est en train de finaliser l'analyse statistique, l'idée était quand même de vous donner un certain nombre, enfin un aperçu quand même de cette troisième partie de notre travail qui cherche en fait véritablement à, alors non pas à mesurer quantitativement parce que c'est difficile, mais en tout cas disons à évaluer qualitativement les spécificités de l'impact du travail de Fallaci sur, en fait, justement, la reconfiguration d'une... la mise en place et la diffusion de catégories de représentation islamophobes en Italie. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a étudié les mails postés sur, en fait, un forum de débat qui était un forum qui s'appelle « Thank you, Oriana », qui était en fait un forum essentiellement à 95% de fans et d'admirateurs d'Oriana Fallaci, qui était par ailleurs en fait un forum sur lequel elle-même avait cité en fait dans son deuxième ouvrage comme le forum par excellence de ses admirateurs, où elle remerciait ses admirateurs et du coup qui avait acquis une certaine légitimité et qui avait suscité donc un peu plus de réaction. Donc effectivement, on a fait donc une analyse à partir seulement de 600 posts essentiellement de ces supporters qui durant 37 mois ont été postés sur ce forum. On a par ailleurs aussi un échantillon complémentaire de plusieurs centaines de posts complémentaires, mais qu'on est encore en train d'analyser. Et donc, ce qu'on peut observer, disons, en faisant une analyse donc un petit peu de... Alors, vous voyez, c'est un échantillon qui, évidemment, n'est pas du tout représentatif et ne prétend pas à la représentativité n'est pas représentatif des lecteurs de Fallaci, qui, comme on l'a dit, sont, si ce n'est des millions, parce que tout le monde n'a peut-être pas lu le livre après l'avoir acheté, en tout cas, certainement des centaines de milliers, mais qui permet en tout cas de voir, en les analysant, des réactions souvent assez longues à ces ouvrages. Et alors, ce qu'on observe, en fait, c'est tout d'abord, en fait, une très, très forte surreprésentation de femmes, qui est par ailleurs ce qui correspond un petit peu aux données que connaissent qualitativement un peu les éditeurs, qui est que le lectorat de Fallach est très, très fortement féminin, depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis... depuis les années 60-70, où elle a un lectorat féminin et un lectorat féminin assez, souvent assez fidèle. Mais en fait, ce qu'on observe, donc, c'est que... Excuse-moi de te couper. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus dans la écoute, vraiment, je comptais juste, peut-être pour ceux qui ne parlent pas anglais, juste citer un petit peu les points et puis je termine. Oui, bien sûr. Je sais bien. C'est pour ça que je sais bien, mais je vais juste, peut-être pour, juste que tout le monde parle. Peut-être pas anglais. Donc, alors, on observe en fait, comme le montre Aliette et Padovan, en fait, une corrélation très forte en fait dans ces réactions entre islamophobie et la réponse positive en fait à une injonction autoritaire, à une rhétorique d'autoritarisme et en fait à une rhétorique de nationalisme italien, c'est-à-dire de construction d'une fierté d'être italien, qui est très présent dans les ouvrages de Fallaci, hein, c'est-à-dire ce qui était assez fascinant dans la lecture de ces postes, c'était de voir par exemple de nombreuses réactions, alors qu'il s'agit d'ouvrages essentiellement en fait, évidemment de critiques des musulmans, de l'islam très très véhémente et comme je vous l'ai dit dans un format très violent, de voir que beaucoup de lecteurs réagissaient en disant « J'ai lu ce livre et pour la première fois de ma vie, j'ai été fier d'être italien. » Ou « Ce livre m'a redonné en fait, la fierté d'être italien et d'appartenir à ce pays. » Alors, on a, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'en fait, les quelques critiques en fait, donc, remettent en cause les arguments et pointent des défaillances et des incongruités dans les arguments de Fallaci, alors que la plupart de ses admirateurs, de ses supporters, en fait, expriment leur admiration pour l'auteur et expriment le fait qu'ils se sentent, en harmonie avec elle, notamment du fait justement de son engagement personnel et d'une dimension subjective, c'est-à-dire exprime ça, cette adhésion en termes d'émotion, c'est-à-dire ils disent qu'ils ont bien aimé l'ouvrage, que l'ouvrage les a émus, etc. Il y a par ailleurs donc une admiration explicite également des caractéristiques émotionnelles de l'auteur elle-même, c'est-à-dire notamment de ses tripes, de son courage, de sa capacité pour l'exploration et notamment à enfreindre, à être iconoclaste, à enfreindre des conventions, pour sa ténacité, c'est-à-dire une grande appréciation du fait qu'elle ne lâche pas, même si alors même face à certaines critiques, elle ne lâche pas. Il y a également le fait que ce qui renforce les arguments et cette idée, d'ailleurs mise en scène par Fallaci elle-même, qu'en fait elle est en train de se sacrifier pour faire avancer ses arguments, ça c'est une des grandes figures mises en avant par Fallaci, c'est-à-dire que dès le début du premier ouvrage, en fait, Fallaci dit « j'ai le cancer, je suis en train de mourir, je devrais être en train d'écrire le grand roman de la fin de mes jours qui couronnerait mon œuvre, néanmoins je prends sur moi, sur mes années de vie, parce que je pense que cette prise de position contre l'islam est extrêmement importante et qu'il est important de dénoncer ça ». Donc il y a une valorisation de cet esprit de sacrifice qui renvoie à l'esprit de sacrifice qu'elle aurait montré tout au long de sa vie dans son engagement, dans la résistance, etc. Il y a également l'idée qu'elle se sacrifie pour l'intérêt de l'Occident, donc qui est en fait évidemment défini de façon souvent extrêmement floue et inclusive. Il y a par ailleurs aussi une naturalisation partagée de l'universalisme, c'est-à-dire que on considère voilà, qu'il y aurait un universalisme qui correspond, enfin que les valeurs italiennes, majorité catholique, en fait renverraient à l'universalisme. Évidemment que l'islam serait anti-universaliste par différence et qu'en fait il y aurait une impossibilité en fait à concilier des exigences universalistes avec la possibilité d'accepter l'islam dans la société italienne. Donc l'islam défini comme anti-universalisme, comme inévitablement violent. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas en fait de recours à une rhétorique sécuritaire ou à ces considérations pratiques, notamment parce qu'en fait, il n'y a pas en fait de critique de la violence. Il y a au contraire en fait des appels à la violence qui du coup ne peuvent pas passer par une rhétorique sécuritaire dans l'autre sens. Et surtout, ce qui... Excuse-moi, mais... J'ai fini là. C'est le dernier point. Et en fait, il y a évidemment le fait d'avoir en fait un rapport à Fallaci qui est inclusif, c'est-à-dire que les personnes qui réagissent à ces postes sont toujours dans le « nous » et parle en fait d'un nous qui les inclurait eux avec Oriana Fallaci. Excusez-moi pour d'avoir dépassé. On était un peu en retard. Donc, ouais, je sais bien. C'est aussi lié à ça. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai plusieurs questions, mais je préfère laisser d'abord la salle pour ne pas me monopoliser la parole tout de suite avant de poser mes questions. Donc, c'est à vous. Vas-y. Juste un retour à la raconte. Bien sûr. C'est le moment Fallaci, maintenant se succède à un moment en fait anti-Rome. Ouais. Et est-ce qu'il y a un retour à la raconte justement sur le moment Fallaci ou c'est là, puisqu'il y a un certain retour, est-ce que certaines personnes qui avaient apologie ou d'autres qui s'étaient tues ou qui n'avaient pas pu parler ont une marge de manœuvre plus grande que durant le moment Fallaci, parce que là c'est un moment anti-Rome, donc il faut qu'il y ait. Ou à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'y a pas de retour ou c'est qu'on est passé à autre chose? Est-ce que le décès de Fallaci a transformé la configuration du champ intellectuel? Ça on peut. Peut-être on peut raccourcir. Vous voulez poser la question? Vous avez dit tout à l'heure que faire en sorte qu'il n'y ait pas de critique de la part de Cédère, des journalistes, par la crainte et la colère, si je me rappelle de vos citations. Ouais. Je voulais savoir quand même s'il n'y avait pas eu de plainte, de condamnation de la justice, que ce soit par des journalistes, association antiraciste ou du mal, c'est vraiment quelque chose que c'était tellement banal justement qu'il n'y avait pas de ça me fait penser à la question de la réception, la difficulté d'analyser la réception. C'est-à-dire que quelles données on peut mobiliser pour travailler, et quelles données vous pouvez mobiliser vous pour travailler sur la question de la réception, des données qui sont un peu longitudinales, parce qu'il faut pouvoir, il y a plusieurs moments, donc il faut pouvoir les comparer un petit peu, et des données qui soient autre chose que... la réception par les supportrices de Fallaci, je pense que c'est intéressant, mais en même temps elles sont acquises à la cause, donc il n'y a pas cet élément de comparaison. Vous avez parlé de l'enquête valeurs européennes, je ne sais pas si vous avez regardé, mais est-ce qu'il y a dedans des questions sur la tolérance aux religions avec une distinction par religion? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le questionnaire, donc je vous pose la question. J'ai posé mes questions. Donc la première élément, c'était... j'étais très intéressé par l'analyse de la configuration des différents champs et de voir comment... l'importance de la multipositionnalité de Fallaci pour imposer son magistère dans l'espace public italien. Et donc, je me suis posé la question par rapport au cas français et aux spécificités nationales. Donc dans votre texte, pas dans votre... dans ce qui a été publié dans Cocotan, vous citez... vous soulignez l'importance de l'absence de différenciation entre des champs, ou en tout cas des champs politiques, universitaires, etc., qui sont moins différenciés par rapport à la France. Donc c'est quelque chose qui est assez. Donc, qui est lié à l'histoire de 40 au 19e siècle, etc. Donc, du coup, il me semble que la question qui se pose, c'est est-ce que. C'est simplement ça qui explique le succès d'un discours islamophobe dans l'espace public. Et à ce moment-là, comment expliquer le succès d'un discours islamophobe dans un espace national où les champs sont vraiment différenciés, où la différenciation est plus forte qu'en Italie? Si on prend le cas de la France, on peut prendre le cas aussi de l'Angleterre, etc., où il peut y avoir aussi cette idée de faire partie de l'idéologie dominante. Donc ça pose ensuite une deuxième question, c'est la question de la production de l'idéologie dominante. Parmi les hypothèses de ce séminaire, on s'était dit que une des explications qui fait que le discours islamophobe ou anti-musulman a gagné en légitimité, c'était le fait qu'il joue une fonction d'intégration des classes dominantes ou des élites. Donc vous le dites dans votre texte en disant que parmi les différentes personnes qui ont soutenu Fallaci, on a des gens qui sont assez divers, qui n'ont pas forcément posé cette question de une discussion intellectuelle pour décrire les représentations. Donc est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que c'est un discours d'élite qui ensuite produit une réception au niveau des classes populaires. Quelle est la fonction sociale du point de vue de la structuration des élites italiennes du discours islamophobe? Et cette idée de fonction d'intégration des élites, elle peut être connectée avec une autre question, c'est que vous évoquez aussi dans votre texte, c'est la question du clivage et de la montée, de la naissance du néolibéralisme. C'est-à-dire que parmi les élites, les clivages entre économie de marché et anticapitalisme sont plus centrales pour distinguer les élites entre elles, et que la distinction se fait en fonction de la question du rapport aux musulmans. Voilà, c'est une question importante. Tout un petit prolongement, parce que c'est vraiment un prolongement de la question de la Bellavie, c'est la question de la position. Vous avez parlé, alors, par rapport à la gauche, notamment la gauche critique, il y a une gauche quand même assez critique en Italie, et il y a eu d'une part un silence assourdissant, et d'autre part, des formes de reconnaissance comme la région, enfin, je ne sais pas quelle région, c'est la Toscane dirigée par la gauche qui a récompensé Falacci, etc. Donc il y a eu les deux. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, justement? Ça rejoint un petit peu la question d'Aldali. Oui, et puis j'ai oublié sur la question de, donc, non seulement de la gauche, parce qu'en France aussi, le discours islamophobe est promu par certaines composantes de la gauche française. Oui, mais alors que Mélenchon a dit que Éric Zemmour était un grand intellectuel français et qu'il fallait cesser l'accabler de critiques. Et puis du côté de l'extrême droite, parce que vous évoquez le droit conservateur, Forza Italia, et quelle est l'influence de l'extrême droite qui en Italie est peut-être plus forte en termes d'organisation, en termes de popularité qu'en France dans ce discours. Il n'y a plus de questions. On reprendra une série. Merci à vous. Je vais vous demander si, comme il disait, la résurgence du sentiment anti-Rome en Italie aujourd'hui ne coïncide pas avec l'effondrement un peu de la politique de la chute de Berlusconi et de l'Argentine. Et donc de ce fait, ce n'est pas plus un sentiment politique que Falacci a suivi. Un sentiment de perte de